Chapitre 5e. Elisa se leva en sursaut, et reconnaissant Giulio à la clarté vacillante des bougies, elle devint blanche. Sa bouche s'ouvrit comme pour laisser passer un cri qui ne sortit pas, et toute tremblante, elle s'appuya des deux mains à la table. Elle avait sur la figure quelque chose de l'étonnement qu'on éprouve à la vue d'un revenant. Giulio, très ému, s'était arrêté contre la porte en la refermant sans bruit derrière lui. Ils restèrent sans pouvoir parler. Elisa était non seulement sans parole, mais sans idée. Elle ne vivait que par les yeux. Une réalité qui ressemblait à un rêve la fascinait. Ils balbutièrent ensemble quelques mots sans les comprendre. « Vous, vous ici ? » dit-elle, enfin, de sa voix à peine recouvrée. « Oui, moi. Pardonnez. » Mais il ne continua pas tout de suite, s'oubliant à la regarder. Elle tremblait toujours. « Comment êtes-vous venu ? Pourquoi êtes-vous ici ? » répéta-t-elle d'un ton exalté. « Je vous en supplie, ne soyez pas si troublé. Permettez-moi de vous parler, il le faut. » Elisa tomba dans son fauteuil et se cacha la tête entre les mains. « Non, partez, je ne peux pas vous écouter. Que pouvons-nous nous dire ?» Elle sentit ses mains écartées de son visage par celles de Giulio, puis elle le vit assis en face d'elle et tenant toujours une de ses mains dans les siennes qu'elle essayait de retirer. Elle revit ce visage doux et sérieux que depuis si longtemps elle n'avait plus contemplé que dans ses rêves, et un regard inoublié plongea dans le sien. « Laissez-moi, » murmura-t-elle, « laissez-moi. » Mais il ne bougeait pas et retenait toujours sa main qu'il serrait fébrilement. Son regard douloureux n'implorait que la pitié. « Si vous saviez tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'à vous, vous ne parleriez pas de me chasser. »« Comment êtes-vous venu ? » répéta-t-elle. « Je ne le sais. Je n'ai pas le temps de vous le raconter. » « Pardon, » reprit-il après une pause, et en lâchant sa main. « Il faut me pardonner. »« C'était nécessaire. J'ai appris que vous étiez ici, n'importe de quelle manière, que vous étiez seul. Et je vous y ai suivi car il m'était impossible de m'exiler, comme vous m'en avez donné l'ordre, sans vous voir une dernière fois. Calmez-vous, je vous en supplie. Je vous fais donc peur, hélas. Mon oncle m'a dit tout ce dont vous l'aviez chargé pour moi, malgré vos bonnes paroles. J'ai d'abord trouvé votre arrêt cruel, tout en vous comprenant. « Eh bien, comment êtes-vous venu alors ? Ce n'est que maintenant, devant vous, que je sens à mon émotion profonde que vous aviez réellement raison, et je vous obéirai sans murmure. Je m'abusais moi-même en pensant autre chose. Je partirai, et je ne vous reverrai peut-être plus jamais. J'y étais déjà décidé, et je le suis encore, je vous le jure. Mais, je le répète, partir sans vous avoir parlé une fois m'eût été impossible. Voilà pourquoi je suis venu. » Vous tremblez, que pouvez-vous craindre? Et je m'aime essayer d'aller chez vous depuis que vous me l'avez défendu. Pensez, je suis revenu de Londres exprès pour vous voir ne fût-ce qu'un instant, dans la rue, sans me montrer. Vous étiez à la campagne. Ce que mon oncle m'a dit ne m'a pas navré comme vous pourriez le croire. Savoir par vous-même que vous étiez heureuse, vous au moins, après ce qu'était une consolation pour moi. J'avais fait un dernier rêve. Impossible, je le sens maintenant. J'avais espéré pouvoir devenir votre ami et vous voir de temps en temps. En apprenant votre refus, j'ai obéi sans me plaindre. Je suis reparti. Mais une pensée me poursuivait, poignante, horrible. Je me disais que je quittais l'Italie sans vous avoir même vu et que chaque jour, chaque heure, élargirait encore l'espace qui nous sépare. Ma dernière chance était perdue. C'était au-dessus de mes forces. Je revins à Florence mystérieusement, presque comme un voleur. Je mentis à mon oncle, et à son insu, je retournais seul, sans personne pour me soutenir dans mes bonnes résolutions, pour me faire rougir de moi-même, si je ne suivais pas la voie que je m'étais prescrite comme celle du devoir. Je vécus caché, faisant épier vos mouvements par un moyen sans danger que je trouvais. Ce fut ainsi que j'arrivai à vous voir à la gare, perdu dans la foule, le jour de votre départ pour Viareggio. Quand je me trouvais devant vous, moi qui avais résisté à tout, je crus m'évanouir. Vous ne m'avez pas vu. Vous vous trompez. Je vous ai aperçu. Mais grand Dieu, comment, pourquoi m'avez-vous poursuivi jusqu'ici ? Vous me faites horriblement souffrir. Vraiment, vous m'aviez vu. Je l'ai cru une minute, puis je me suis dit, non, tu es fou. Je l'espérais et je le craignais. Mais moi, depuis ce moment, ma force m'abandonna. Tout en me reprochant mon manque de logique, ma folie, mon imprudence, je partis le surlendemain pour Viareggio. Je partis sans but, sans raison, poussé par un désir irrésistible, simplement pour vous voir encore. Et vraiment, à la gare, vous m'avez reconnu ? Tout de suite, et cependant... Je suis changé, n'est-ce pas ? Très changé. Pensez aux années qui se sont écoulées depuis que nous nous sommes quittés, et pensez à tout ce que j'ai souffert. N'en parlons pas. Laissez-moi vous regarder maintenant. Celle-ci est une heure qui ne reviendra plus. Oui, je vous ai suivi, et à Viareggio, caché, j'ai passé des journées presque heureuses, dans la solitude d'une chambre d'auberge, en pensant que vous n'étiez pas loin, et que, de temps à autre, je pouvais vous apercevoir un instant à la dérobée. Je ne vous ai entrevu que 4 fois en 15 jours, mais cela m'a suffi pour supporter presque gaiement ma prison volontaire. Bientôt, cependant, un désir de vous parler, ne fût-ce qu'une heure sans témoin, s'est emparé de moi avec tant de violence qu'il ne me fut plus possible de lutter. Mes journées se passèrent à épier un moment favorable, mais le risque était trop grand. J'avais peur pour vous. Enfin, je n'espérais plus, lorsque ce hasard inespéré de votre voyage ici, que j'ai pu savoir en faisant interroger habilement votre maîtresse de maison, m'a offert une dernière chance inattendue. J'ai su que vous veniez seul. Tout en étant sûr de vous déplaire, de vous effrayer, comment résister à la tentation ? L'idée même ne m'en vint pas. Vous l'auriez dû, cependant, c'eût été mieux. La voix d'Élisa était redevenue plus ferme, mais elle parlait avec peine. Pardonnez-moi la dureté de mes paroles, mais à quoi bon vous revoir ? Je ne m'appartiens plus. Je suis irrévocablement lié à un autre, que je dois aimer, que j'aime. J'avais dit à votre oncle que vous deviez partir et ne garder de moi qu'un ineffaçable souvenir, comme je le garde au fond de mon âme. Et à quelles conditions lui ai-je dit que, malgré tout, je ne pouvais pas vous oublier ? À la condition que vous m'obéirez et ne tâcheriez point de me revoir. J'ai ajouté que mon plus ardent désir était de vous savoir moins malheureux. Trouvant un peu de bonheur dans votre vie si triste par ma faute, toute de devoirs et de sacrifices. Et vous, ne me parlez pas de choses impossibles. Vous pouvez me reprocher d'avoir désobéi et d'être ici, mais vous ne pouvez commander à mes sentiments. Mon amour pour vous est éternel, parce qu'il est au-dessus de la vie humaine et de notre sort passager. Être malheureux par vous est mon droit. Vous, vous avez pu être heureuse. Je vous approuve sincèrement. Mais vous ne sauriez l'exiger de moi. Je vous jure, Élisa, que dans mes paroles, il n'y a pas l'ombre d'un reproche. Nos destinées ont été différentes. Nous avons fait chacun notre devoir. Trompé par moi, et ce mensonge était nécessaire, délié de toutes vos promesses, me croyant faible, oublieux, coupable, peut-être, lorsque je ne fus qu'imprudent, d'une imprudence que j'ai payée par le malheur de toute ma vie, vous m'avez encore attendu, vous avez lutté, oh je le sais, et je devine. Vous vous êtes longtemps obstiné, puis enfin, le temps a fait son œuvre, la vie a eu son influence, un nouveau sentiment a pu trouver place dans votre cœur, et vous avez dû accepter le bonheur. Vous avez bien fait. Mais moi, qui n'avais rien à reprocher qu'à moi-même, moi qui savais toute la force de votre caractère et toute l'infinie bonté de votre âme, moi, qui était sûr que si je n'avais menti, vous m'auriez attendu toujours, moi, qui devais désirer votre bonheur par un autre, puisque moi-même, je vous y avais poussé, et la profonde approbation de ma conscience a à peine compensé l'immensité du sacrifice. Pouvais-je être heureux en vous ayant perdu ? Pouvais-je vivre autrement par le souvenir ? L'avenir, possible, nécessaire pour vous, n'existait pas pour moi, et cependant, j'ai tout enfermé en moi-même. Sait-on réellement comme j'ai vécu ? J'ai obéi autant que je le pouvais aux lois sociales. J'ai pu trouver la résignation apparente pour ceux que j'aimais. J'ai travaillé et j'ai été utile aux autres et à moi. Mais qu'on ne me demande pas plus. Personne n'en a le droit. Si vous saviez comme vous me faites souffrir, vous voyez bien mon émotion, je n'essaye pas de la cacher. Un frisson m'a saisi dès que vous avez ouvert cette porte et je tremble encore. « Épargnez-moi. » Il la regarda avec une expression nouvelle sur la figure, puis il répondit d'un ton amer. « Ah, je comprends. Dans votre vie calme, mon souvenir est resté comme un écho lointain de votre première jeunesse. Mais vous vivez en pleine vie réelle, comme une femme du monde que vous êtes. Vous avez cherché et trouvé la paix. Vos journées, pareils dans leur aimable variété, se suivent sans secousse. Vous vous épanouissez dans l'existence tranquille et opulente des heureux d'ici-bas. Et votre mélancolie, charmante aux yeux des autres, s'est adoucie même pour vous. Et brusquement je surgis ici comme le spectre brutal du passé, et je viens, moi que le monde n'a jamais pu railler, tant j'ai su me taire, je viens étaler devant vous mes douleurs que vous-même ne pouvez plus comprendre. » Il se leva et marcha jusqu'au fond de la chambre, lentement, la tête baissée. Lorsqu'il leva les yeux et revint, il vit Elisa qui le regardait fixement, la figure contractée, et quand leurs yeux se rencontrèrent, de grosses larmes qu'elle ne put retenir lui coulèrent sur les joues. Et après un instant de lutte inutile, elle cacha sa figure sur son bras appuyé sur la table et fondit en larmes. Giulio resta une minute, immobile, comme pétrifié, à la contempler. Puis il tomba à ses pieds, et lui prenant la tête dans ses deux mains, il la força à tourner vers lui son visage mouillé de pleurs. Il regarda ses yeux rouges, ses lèvres convulsées par les sanglots, il sentit près de lui le souffle haletant de son sein et son haleine sur sa bouche, et il se rejeta en arrière, puis il se pencha sur ses mains blanches devenues inertes qu'il couvrit de baisers. Il y eut un silence, il resta immobile, la face presque sur les genoux d'Elisa. Elle revit cette tête, ce cou, qu'elle avait si souvent vu ainsi, et pendant un instant, 10 années de sa vie disparurent. Le passé surgissait devant elle, dans son ancienne et impérissable beauté. Elle revoyait la maison du lac de Como, les sentiers où les pieds s'embarrassaient dans les broussailles, et où le regard s'emplissait de l'azur de l'eau et du ciel, l'arbre sous lequel ils avaient tant pleuré à leur première séparation, et le petit salon des rendez-vous nocturnes, à l'époque du retour inattendu de Giulio, ces rapides jours de fiévre bonheur, qui étaient restés comme la note la plus sonore de sa vie. Les souvenirs aux chères nuances pâlies redevenaient des souvenirs d'hier. Elle revoyait chaque pierre, chaque buisson du chemin conduisant à Torno, de ce chemin que tant de fois elle avait parcouru en allant au bureau de poste, le cœur plein d'espérance, pour s'en retourner, l'âme toute remplie d'une mortelle tristesse. Elle revoyait le petit canot dans lequel ils s'étaient parfois risqués sur le lac, le tournant de chemin où ils avaient tant de peine à se quitter après leur longue promenade, sa chambre où toujours ses pensées se tournaient vers lui, à travers l'océan, après son départ. Puis, la nuit profonde de son âme, lorsqu'elle avait enfin perdu tout espoir, les angoisses de la lutte d'où elle était sortie résignée, les désirs insupportables et fous de le voir encore une fois et de mourir. Et maintenant, il était là, penché sur elle, à ses pieds. Elle sentait ses mains qui touchaient les siennes. Elle voyait sa tête appuyée contre ses genoux, et elle le contemplait, absorbée dans une extase inconsciente, dans un oubli absolu du présent. Tout à coup, elle remarqua que ses cheveux si connus, ses cheveux d'enfant soyeux et ondés, étaient parsemés de fils blancs. Et avec la sensation d'une horrible étreinte au cœur, elle se dégagea enfin. Mais en se réveillant, elle se retrouva encore dans un rêve. Pourquoi était-elle avec lui dans cette chambre banale avec ses murs sales, peints à carreaux jaunes et rouges, ses meubles communs et dépareillés, son alcôve à rideaux fanés? Alors, tandis qu'elle écoutait comme en rêve ce que Giulio continuait à lui dire, sa pensée revint aux jours plus récents, aux nouveaux changements de sa vie, au temps qui s'était déjà écoulé, rapide et douloureux, après la visite de M. Orlandi, depuis le moment où il était venu la troubler en lui annonçant l'arrivée de son neveu à Florence, jusqu'au dernier jour de souffrance secrète à Viareggio, où elle remarquait avec une crainte l'attitude incompréhensible de Massimo. Changé pour elle, sans qu'elle sût deviner pourquoi, il était devenu dur, froid et distrait au moment où elle aurait eu le plus grand besoin d'être soutenue et encouragée. Elle eût voulu se cramponner à lui et Massimo semblait s'éloigner d'elle. Il devait avoir des soupçons, elle le devinait, mais lesquels? Craintive, elle n'osait l'interroger, ni le sonder d'aucune façon. Que savait-il? Que pensait-il? Elle avait cru que Giulio était retourné à Londres, et d'abord, elle avait éprouvé une espèce de soulagement. Mais peu à peu, dans la tristesse de la solitude, devant son mari qu'elle ne reconnaissait plus, un regret s'éleva dans son cœur. Pendant ses longues journées solitaires, dans le petit salon étouffant de son appartement garni, alangui par la chaleur accablante, l'œil fixé sur la grande mer, qui paraissait assoupie sous les rayons d'un soleil torride, une idée s'empara d'elle qu'elle essayait en vain de chasser. Ayant revu Giulio pendant une minute, un désir la remplissait de le revoir encore. Le mot « jamais » se dessinait devant ses yeux en lettres de feu. L'ayant revu, et comment oublier le choc de cette seconde, il lui semblait impossible de devoir se dire « je mourrai » sans avoir entendu encore une fois le son de sa voix, sans lui avoir dit un mot. Et maintenant, il était là. Il lui parlait d'une voix douce, qui semblait venir de loin et qui, en effet, s'élevait pour elle dans un murmure, comme du fond des années mortes. Il lui demandait toujours pardon d'être venu et l'assurait avec un si triste regard que jamais il ne chercherait plus à la voir. Il ne voulait qu'un dernier sourire et qu'une main indulgente dans la sienne. Et sans ordre, s'interrompant avec toutes sortes de digressions imprévues, il lui racontait sa vie, les événements de tout ce temps qu'ils avaient séparés, ses désespoirs, et dans ce récit, les mots n'étaient rien. Elle les écoutait machinalement, lisant dans ses yeux tous les secrets de ses douleurs, toutes les luttes de sa conscience et la terrible victoire sur lui-même. Il lui parla de sa longue absence, de son malheur, du mensonge auquel il avait dû consentir, puis de son retour, et de ce qu'il avait senti en apprenant qu'elle était mariée au marquis d'Astorre. En parlant, Giulio avait été sincère. Vraiment, en venant, malgré tous les risques, jusque dans cet hôtel pour la revoir, aucune pensée n'avait germé dans son cerveau qui l'eût à se reprocher. Pour rien au monde, il n'eût voulu troubler la paix, le bonheur de celle qu'il adorait, d'un amour sanctifié par tant de souffrances. Il était entré le soir dans cette chambre, où personne ne pouvait même soupçonner sa présence, parfaitement sûr de lui-même. Et il n'avait pas douté d'en sortir, peut-être consolé, peut-être plus navré qu'auparavant, mais sans que sa conscience eût rien à lui reprocher. Une voiture était prête qui devait le conduire à une gare d'où il repartirait pour ne plus revenir. Il savait bien qu'en revoyant Elisa, en lui parlant, il éprouverait la plus forte émotion de sa vie et que peut-être, à travers son amour épuré, toutes les violences de la passion se réveilleraient en lui, mais il savait aussi qu'Elisa appartenait volontairement à un autre, qu'elle l'aimait, qu'elle lui devait le bonheur, et il sentait qu'il ne faillirait point à son devoir, et qu'il se montrerait à elle comme il devait être. Mais il ne s'était pas attendu à la trouver telle qu'elle lui apparaissait alors. « Certes, elle sera bien émue aussi en me revoyant, » s'était-il dit. Mais il n'avait jamais cru voir des pleurs brûlants démentir les froides paroles qu'elle avait essayé de lui adresser, ni sentir sa main aussi fiévreuse que la sienne, ni lire dans ses yeux la révélation involontaire de tout l'ancien amour ressuscité. Un soupçon lui traversa l'esprit qui le rendit comme fou et lui fit tout oublier. Elle avait peut-être menti à son oncle. Elle essayait de mentir encore, mais tout ce qu'elle disait était faux, et elle l'aimait comme autrefois. Alors il sentit toutes ses résolutions s'écrouler au-dedans de lui, et il lui sembla qu'un gouffre s'ouvrait à ses pieds, plein de désespoir et de joie. Il se tut tout à coup et plongea dans les yeux d'Elisa un regard qui voulait pénétrer dans son âme. « Continuez, » dit-elle, « puisque vous êtes là, parlez, et parlez vite, car le temps presse. » « Non, rien ne presse, » répondit-il sourdement. Puis, se serrant les tempes dans sa main droite, il s'écria d'une voix changée. « Grand Dieu, pensez que si j'étais revenu quelques mois plus tôt, alors vous n'appartiendriez pas à un autre. Ironie outrageante du destin, vous, Elisa, mon Elisa, je vous regarde et je n'en ai pas le droit. Je prends vos mains dans les miennes et je dois me cacher pour le faire. Vous n'êtes plus Elisa, vous êtes la marquise d'Astorre. Mais songez donc, après tout, vous m'avez longuement et patiemment attendu, ma pauvre enfant, mon ange adoré, et plus que vous ne deviez. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que, malgré votre courage, j'arrivasse trop tard? Et comme je l'avais prédit autrefois, je deviens riche. Considérez, et j'aurais pu vous avoir. Non, c'est trop. Pourquoi ne suis-je pas mort pendant la traversée, en revenant? Au nom du ciel, calmez-vous. Pourquoi cette exaltation? Pourquoi ce changement? Dit Elisa d'une voix étouffée. Pourquoi? Parce que je lis dans vos yeux, parce que vos paroles ont menti et que vos regards sont sincères, parce que tu m'aimes encore, Elisa, parce que nous nous aimons toujours. Et faible comme elle l'était, il la prit dans ses bras. Eh bien, lui dit-il, partons. Tu vois bien que c'est moi, je te retrouve. Ton corps frémit entre mes mains. Comment puis-je croire à tes paroles? Je te jure que tu m'aimes, j'oublie tout. Puisque nous nous aimons, tout le reste est faux. Oh, Elisa, ne sens-tu pas l'éternité de notre amour? Comment veux-tu que de ce passé il ne reste plus rien? Quoi? Tout devrait être vain? Inutile, nos souffrances? Nous aurions donc menti alors? Nous nous serions trompés? Ceux qui nient l'amour auraient donc raison? Et nous aurions pris un éclair pour la lumière immortelle? Te rappelles-tu nos serments? Ne sens-tu pas que les liens qui nous unissaient ne sont pas brisés? Mettez sur un plateau de la balance toutes les lois sociales, tous les devoirs mondains, toutes les chaînes de la vie, et sur l'autre, un sentiment d'origine divine. De quel côté penchera-t-elle? Tu as été à moi, tu l'es toujours. Je ferai tout ce que tu voudras. Fuyons, loin de tous, que personne ne voit plus. Taisez-vous. Et par un violent effort, Elisa se dégagea. Elle se tourna vers la fenêtre, et Massimo, qui entendait tout, vit tourner vers lui le visage de sa femme, et sur ce visage une expression qu'il n'oublierait jamais. Il vit ses yeux levés au ciel, ses traits contractés par une lutte dernière, une angoisse suprême qui agitait tout son corps. Giulio voulut la suivre à l'autre bout de la chambre. « Restez, lui dit-elle, vous ne saurez jamais combien je souffre. Par pitié, Giulio !» Il tressaillit en s'entendant appeler par son nom. « Calmez-vous, ne m'approchez pas !» Elle resta quelque temps accablée, ne pouvant parler. Le silence était étrange dans cette chambre, entre ces deux personnes. Puis enfin, elle dit à voix très basse, avec un effort, « Si vous saviez combien j'aime réellement mon mari et combien et pourquoi je l'aime, vous ne me parleriez pas comme vous faites. »« C'est faux. » Vous ne l'aimez pas puisque vous m'aimez. Je l'ai vu, je le vois encore. Je ne puis croire à vos paroles. Rien n'est vrai que le tremblement de votre main dans la mienne. Vous êtes d'une nature sincère et droite, Elisa. Jamais vous n'avez su mentir. Mais je ne vous accuse pas. Je vous estime, au contraire, et je vous admire plus que jamais. On comprend tout quand on aime comme moi. Votre mensonge est sublime. Vous imposez silence à votre âme pour faire ce que vous croyez votre devoir. Mais moi, en ce moment suprême, je vois au-delà des considérations humaines. Regardez, je suis calme maintenant. Écoutez-moi. J'ai prouvé, moi aussi, que je sais tout sacrifier à l'idée du devoir. C'est pour faire ce que je devais, que je me suis condamné moi-même à mentir, que j'ai broyé mon propre cœur. Je peux donc juger. Eh bien, je vous le dis, en toute sincérité, votre devoir ne peut être d'aimer cet homme, en dépit des lois et de la morale passagère de ce monde. Quels sont ses droits comparés aux miens? Moi, j'ai eu votre première parole d'amour et je vois que vous m'aimez encore. Moi, je vous ai tout donné et tout sacrifié, et je serais prêt à sacrifier tout encore si vraiment vous l'aimiez. Mais comment me feriez-vous croire que vous l'aimez? Qu'a-t-il fait, lui? Oh, croyez-le, j'ai raison. Je voudrais que M. d'Astorre fût ici et qu'il m'entendît. Giulio, c'est moi que vous devez écouter, dit Elisa lentement. Ne parlez plus ainsi. Ne dites rien dont vous puissiez vous repentir plus tard. Au nom du passé qui reste sacré dans ma mémoire, je vous en supplie. Il y avait quelque chose de si décisif, de si solennel dans sa voix, que Giulio en fut frappé au milieu de son exaltation et qu'il se tut tandis qu'Elisa paraissait réfléchir. Savez-vous quelles furent pour moi les années qui suivirent votre départ ? Continua-t-elle enfin, et comme si elle se parlait à elle-même. Vous imaginez-vous le deuil qui s'étendit pour moi sur la nature, le désespoir qui m'alourdit le cœur? Quel vieillard, désabusé de tout et fatigué de ses longs jours, sentit jamais le poids de l'existence trop lourde pour ses forces, comme je le sentis alors au commencement de la vie, jeune fille à qui le monde souriait? Et moi, je n'avais pas même un travail, une tâche pour me distraire, je n'avais que ma solitude et mes pensées. Et on ne me les permettait pas. Souffrir m'était défendu, et de jour en jour on épiait l'instant où ma douleur éternelle cesserait. Tandis que je désirais mourir, on pensait à me marier. Je refusais toujours, je luttais. Mais enfin, on décida malgré moi mon mariage. Savez-vous avec qui ? Avec cet homme que vous détestiez aussi et qui venait si souvent chez nous. Ce mariage était une nécessité absolue. La misère surgissait devant nous et je devais sauver ma famille. Tous me conseillèrent de céder, même les personnes les meilleures et les plus intelligentes. Je ne savais pas résister aux menaces de ma mère, aux prières désolées de mon père, à l'avis de tout le monde. Mourir comme je l'aurais voulu, mais je le pouvais encore moins. Le sacrifice était décidé. Malgré ma répugnance, malgré mon horreur, j'avais dû consentir. Seul, je ne pouvais lutter contre tous et contre le sort. On me plaignait, mais personne n'eut l'idée de me venir en aide. Et tout à coup, au dernier moment, un homme arriva qui le fit. Comme un ange sauveur, il s'interposa entre moi et le destin et d'une main puissante arrêta sur le bord du précipice celle que ses amis voyaient tomber avec de vains regrets. Et cet homme me connaissait à peine. Je n'étais pour lui qu'une indifférente, qu'une connaissance banale. Mais il comprit et il me sauva. Et pour le faire, il m'épousa. Il me donna son nom, sa fortune, son appui et ne me demanda rien en échange. Pouvais-je refuser ? Avais-je le choix ? Vous ne l'aimiez donc pas ? Non, je ne l'aimais pas alors. Mais déjà, je me sentis irrévocablement lié à lui par une reconnaissance qui ne pouvait s'acquitter. Il m'avait rendu à une vie possible. Vous, je vous croyais à tout jamais perdu, marié à une autre. Vous viviez toujours dans mon âme, mais par le souvenir seulement. Le temps s'écoulait pour moi, calme. J'étais triste, mais j'existais comme dans un rêve. Monsieur d'Astoré, au contraire, remuant, actif, poursuivant toujours quelques projets que j'ignorais, vivait d'une façon bizarre, désordonnée, que je ne comprenais pas. Il était absent la plupart du temps, mais de loin ou de près, toujours la bonté même. Pour moi, il n'était, comme le premier jour, qu'un ami sûr et sincère. Puis, peu à peu, il changea. Toutes les choses du dehors cessèrent de l'intéresser. Il s'attacha de plus en plus à moi et à la maison. Il cessa de s'absenter. Il me demanda si je voulais être tout pour lui. Il redoubla de soins, de délicatesse. Lui, qui m'intimidait parfois, sut gagner ma confiance entière. Il se corrigea de tous ses défauts, et du jour où il m'aima ainsi, je crus de mon devoir de l'aimer, et je l'aimais réellement. Eh bien, ne comprenez-vous pas que maintenant, je dois mourir plutôt que de le tromper ? Ah, Giulio, le bonheur idéal que nous avons espéré autrefois s'est évanoui à jamais, et rien ne le peut ressusciter ici-bas. Vous, vous avez vécu comme j'avais l'intention de vivre, c'est-à-dire en renonçant à la vie. Moi, j'ai dû commencer une nouvelle existence, et j'ai trouvé la paix et une félicité calme qui est pour moi le devoir. Le souvenir du passé ne peut mourir en moi, et mon mari le sait, car je n'ai rien voulu lui cacher, mais ma vie lui appartient désormais. J'ai souffert autant que vous, j'ai peut-être pensé davantage. Réfléchissez, et vous serez forcé de me donner raison. Dans mes longues rêveries, j'ai tout prévu, même cette heure. Je suis faible, c'est vrai, et l'émotion que j'ai éprouvée en vous voyant apparaître au moment où je m'y attendais le moins m'a fortement ébranlé, mais j'ai tant pensé que je ne puis faillir. C'est que le souvenir pour vous n'est pas aussi vivant qu'il l'est pour moi. Non, vous vous trompez encore. Si je vous parle ainsi, ce n'est pas parce que j'oublie, mais parce que je me souviens. Comparez ce que fut votre amour à ce qu'il serait maintenant. Au lieu de l'éblouissante splendeur de l'ivresse sainte que nous avons connue, qu'aurions-nous ? Une passion coupable et faussée, un bonheur mauvais, empoisonné de remords. Notre passé, si beau dans nos souvenirs, et que séparés nous ne pourrons jamais oublier, serait gâté lui-même par un présent coupable et qui semblerait la parodie de ce que nous avons rêvé. Toute ma vie s'interpose entre nous. Giulio n'osait plus l'interrompre. Il écoutait, tête baissée, ces paroles si vraies qui résonnaient étrangement dans cette chambre, regardant parfois les deux bougies déjà à moitié consumées, parfois se tournant vers Elisa avec un geste de violente dénégation qu'elle réprimait d'un mot. « Tout ce que vous me dites est vrai, à un certain point de vue, » dit-il enfin tristement après une pause. « Cruellement vrai. Je vous le répète, vous avez raison, et je vous estime hautement de parler ainsi, bien que vous me déchiriez le cœur. Notre amour serait coupable maintenant, c'est vrai. Le devoir vous le défend, mais croyez-le, le devoir seulement. Vous voyez, Je suis calme. Je serai fort. J'aurai l'horrible courage de vous obéir. Un mot de vous m'est sacré. Mais à cette heure suprême, Elisa, avouez la vérité. C'est le devoir qui nous sépare encore, inexorable, rien que le devoir. Mais vous m'aimez comme toujours, vous m'aimez comme je vous aime. Donnez-moi cette consolation terriblement amère de me l'avouer, et je partirai. Ce ne serait pas une consolation. Tandis que si vous pouviez me comprendre, entrevoir la vérité telle qu'elle est et telle que je veux vous la dire tout entière, vous y trouverez un apaisement réel et la force de vous résigner aux lois tristes de la vie que nous ne pouvons discuter. En disant qu'il y a dans notre passé quelque chose d'éternel qui ne peut mourir et que nos âmes sont unies par un lien indissoluble, vous dites vrai. Mais vous vous trompez en croyant que je puisse vous aimer comme autrefois. Alors je pouvais me donner à vous tout entière, vous consacrer toutes les heures de mon temps, toutes mes pensées et toutes mes sensations. Maintenant, j'appartiens à un autre, et depuis des années, il a ma vie de tous les jours. Et comment aurais-je pu être à lui sans rien lui donner de mon cœur? Pourquoi voulez-vous qu'en vous disant que je l'aime, je ne le dise que pour vous faire souffrir plus cruellement encore? Oh non, Giulio, il ne s'agit pas du devoir seulement, du devoir social, comme vous vous obstinez à le croire. Si j'avais pu être tout à vous, purement, autrefois, n'eussais-je pas foulé aux pieds tous les devoirs? Mais pourquoi voudriez-vous que nous nous rendissions maintenant malheureux, en cherchant un bonheur impossible, que nous ne pourrions trouver qu'en le payant de la paix de notre conscience? Elisa lui dit qu'elle avait longuement réfléchi dans ses heures de solitude. Elle lui expliqua que la vie est multiple et que, quand nos vœux ne sont pas aidés par des circonstances exceptionnelles, l'idéal est bien vite étouffé par la réalité et ne peut plus exister que dans le secret de nos âmes. S'il ne nous est pas permis de nous isoler du monde, nous sommes bientôt pris dans la mêlée, nous sommes forcés de quitter les grands espaces purs où notre imagination planait et de marcher dans l'herbe au bord de la route. Elisa, tout en disant cela, était aussi pâle que Giulio. Lui avait baissé la tête, il était vaincu, il voyait enfin clairement combien elle avait raison. Par un mouvement brusque, il se leva comme pour partir. Elisa tressaillit. Et alors, elle, qui avait su parler avec tant de calme et tant de vérité, brisée par l'émotion intense et par la tension de l'effort, elle se mit à pleurer. « Par pitié, Elisa, si vous voulez que j'aie la force de faire ce que je dois, ne pleurez pas. Voyez, je vous ai comprise, je suis redevenue moi-même, et c'est vous qui êtes faible, je vous en supplie, et cependant, merci, merci pour ces larmes. » Elle lui tendit ses mains, maintenant, en s'essuyant les yeux. J'ai bien raison, n'est-ce pas? Vous jurez donc de m'obéir. Je le jure. Restez encore un peu alors. Que je puisse avoir la douceur de vous parler librement, maintenant que je suis aussi sûr de vous que de moi-même, que je puisse garder sans crainte pour quelques instants votre main dans la mienne. Si vous saviez combien, moi aussi, je désirais vous parler encore une fois, comme je l'ai surtout désiré du jour où je vous ai revu. Oui, j'ose vous le dire, malgré l'imprudence, malgré le danger, malgré tout, je ne puis vous blâmer d'être venu. C'est un bonheur inespéré et que personne ne peut me reprocher. Et je serai plus forte dorénavant. Vous êtes bon et grand, Giulio, comme vous l'avez toujours été. Oh, sans faillir, sans avoir rien à me reprocher, pouvoir vous parler sincèrement une fois encore. Oh, si je pouvais espérer que vous aussi, vous serez moins malheureux après m'avoir vu. Mais tout est si triste. Giulio regarda sa montre. « J'ai encore une heure à rester, » dit-il. « Laissez-moi vous regarder. » Cependant, Massimo, dehors, sur ce balcon, ou à l'entrée de Bardi dans la chambre, il avait dû se cramponner à la rampe pour ne pas faire irruption, ayant sur la tête la sérénité du ciel étoilé, sous ses pieds un abîme béant, et devant les yeux, à travers les fentes des persiennes, la scène que nous venons de décrire, avait vécu autant d'années qu'il s'était passé deux minutes, toute une vie, si on considère le tumulte des passions diverses, changeant à chaque nouvelle phase du dialogue, et la douloureuse variété de ses pensées et des mouvements de son âme. Devant cette scène, où son avenir était en jeu, une de ces transformations avait dû s'accomplir en lui qui, trop brusquement amenée et par secousses violentes, peuvent tuer un homme, surtout quand on le soupçonne d'avoir un commencement de maladie au cœur. Mais une curiosité si intense l'avait cloué à sa place qu'il était passé de l'épouvante et de l'horreur à l'admiration, presque sans le sentir. Il trembla des pieds à la tête sans que son œil s'abaissât une seconde, sans que ses mains puissent bouger. Il resta jusqu'au bout, atterré, navré, consolé tout à la fois et tour à tour. Il avait tout soupçonné, excepté ce qu'il voyait et qu'il entendait. Du premier moment où il s'était senti comme traversé de part en part par la certitude acérée que tout était perdu, il avait craint, espéré, douté, prêt à maudire ou à pleurer jusqu'à la fin. Et tout l'avait étonné, arraché de la logique de son expérience pour ouvrir à ses réflexions des horizons inexplorés. À un moment, il avait levé les yeux à la voûte sombre et splendide, et on aurait pu le croire sur le point de tomber à genoux, comme si une prière reconnaissante montait à ses lèvres. Mais il ne se sentit pas heureux quand il eut tout vu. Un désespoir nouveau s'amassait lentement en lui. Toute sa passion brutale, ses désirs de vengeance et ses fureurs pleines d'angoisse se dissipaient, et il ne sentait plus que la honte, la haine de lui-même, l'admiration et la pitié. Il disparaissait moralement devant ces deux personnes qu'il avait regardées comme criminelles et qu'il contemplait maintenant comme des êtres supérieurs. Quelque chose se tordait au-dedans de lui en mourant et un sentiment tout nouveau naissait. À la place de son amour troublé, qui eût pu le conduire jusqu'au crime, surgissait une tendresse infinie qui avait presque soif de la mère volupté du sacrifice. Il venait de voir l'amour dans son expression la plus haute, et par moments il avait été forcé d'oublier que lui-même aimait cette femme au pied de laquelle il voyait un autre. Il avait compris cet amour dont il connaissait depuis longtemps la première partie et à la fin duquel il avait si étrangement assisté. Que devenaient ses sentiments à lui comparés aux sentiments dont il avait entendu l'involontaire éloquence? Il avait senti sa jalousie humiliée en entrevoyant les secrètes profondeurs de ces deux âmes, entendant plus que les mots ne disaient, croyant lire sur leurs traits des aveux inexprimés. Son regard plongeait en bas, et en voyant les pierres du torrent blanchir toujours dans l'horreur des ténèbres, il eut un instant le vertige de la profondeur, du silence, du gouffre où tout s'oublie, et lui, qui 2 heures auparavant voulait vivre pour se venger et pour punir, pensa alors qu'il eût mieux valu, succombant à la douleur dont il avait été assailli dans son ascension périlleuse sur le balcon, tomber dans l'abîme et y trouver la mort, qu'eût été la paix pour lui et le bonheur pour les autres.